La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 2e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 3e, théologie naturelle. Chapitre 7. Combien les platoniciens sont supérieurs dans la logique au reste des philosophes. Quant à la logique ou philosophie rationnelle, loin de moi la pensée de comparer aux platoniciens ceux qui placent le critérium de la vérité dans l'essence, et mesurent toutes nos connaissances avec cette règle inexacte et trompeuse. Tels sont les épicuriens et plusieurs autres philosophes, parmi lesquels il faut comprendre les stoïciens, qui ont fait venir des sens les principes de cette dialectique où ils exercent avec tant d'ardeur la souplesse de leur esprit. C'est à cette source qu'ils ramènent leurs concepts généraux, en noia, qui servent de base aux définitions. C'est de là, en un mot, qu'ils tirent la suite et le développement de toutes leurs méthodes d'apprendre et d'enseigner. Note. Malgré quelques témoignages contraires et considérables, il paraît bien en effet que la logique des stoïciens était sensualiste, d'un sensualisme toutefois beaucoup moins grossier que celui des épicuriens. Voyez Cicéron, Académique, livre 2, chapitre 7. Fin de la note. J'admire, en vérité, comment ils peuvent soutenir en même temps leur principe que les sages seuls sont beaux, et je leur demanderai volontiers quel est le sens qui leur a fait apercevoir cette beauté. Et avec quels yeux ils ont vu la forme et la splendeur de la sagesse. Note. C'était un des célèbres paradoxes de l'école stoïcienne. Voyez Cicéron, plaidoyer pour Murena chapitre 29. Le sage seul, fut-il contrefait, est beau, fut-il pauvre, il est riche, fut-il esclave, il est roi. Fin de la note. C'est ici que nos philosophes de prédilection ont parfaitement distingué ce que l'esprit conçoit de ce qu'atteignent les sens, ne retranchant rien à ceux-ci de leur domaine légitime, n'y ajoutant rien et déclarant nettement que cette lumière de nos intelligences qui nous fait comprendre toutes choses, c'est Dieu même qui a tout créé. Note. Voyez le Timée et surtout la République de Platon. Livre 6 et 7, où Dieu est conçu comme la raison éternelle, soleil du monde intelligible et foyer des intelligences. Chapitre 8. En matière de philosophie morale, les platoniciens ont encore le premier rang. Reste la morale où, pour parler comme les Grecs, l'éthique, où l'on cherche le souverain bien, c'est-à-dire l'objet auquel nous apportons toutes nos actions, celui que nous désirons pour lui-même et non en vue de quelque autre chose, de sorte qu'en le possédant il ne nous manque plus rien pour être heureux. C'est encore ce qu'on nomme la fin, parce que nous voulons tout le reste en vue de notre bien, et ne voulons pas le bien pour autre chose que lui. Or, le bien qui produit la béatitude, les uns l'ont fait venir du corps, les autres de l'esprit, d'autres de tous deux ensemble. Les philosophes, en effet, voyant que l'homme est composé de corps et d'esprit, ont pensé que l'un ou l'autre ou tous deux ensemble pouvaient constituer son bien, je veux dire ce bien final, source du bonheur, dernier terme de toutes les actions, et qui ne laisse rien à désirer au-delà de soi. C'est pourquoi ceux qui ont ajouté une troisième espèce de bien qu'on appelle extérieur, comme l'honneur, la gloire, les richesses, et autres semblables, ne les ont point regardés comme faisant partie du bien final, mais comme de ces choses qu'on désire en vue d'une autre fin, qui sont bonnes pour les bons et mauvaises pour les méchants. Mais, quoi qu'il en soit, ceux qui ont fait dépendre le bien de l'homme, soit du corps, soit de l'esprit, soit de tous deux, n'ont pas cru qu'il fallût le chercher ailleurs que dans l'homme même. Les premiers le font dépendre de la partie la moins noble de l'homme, les seconds, de la partie la plus noble, les autres, de l'homme tout entier, mais dans tous les cas, c'est de l'homme que le bien dépend. Au surplus, ces trois points de vue n'ont pas donné lieu à trois systèmes seulement, mais à un beaucoup plus grand nombre, parce que chacun s'est formé une opinion différente sur le bien du corps, sur le bien de l'esprit, sur le bien de l'un et l'autre réunis. Que tous cèdent donc à ces philosophes qui ont fait consister le bonheur de l'homme, flou à jouir du corps ou de l'esprit, mais à jouir de Dieu, et non pas à en jouir comme l'esprit jouit du corps ou de soi-même, ou comme un ami jouit d'un ami, mais comme l'œil jouit de la lumière. Il faudrait insister peut-être pour montrer la justesse de cette comparaison, mais j'aime mieux le faire ailleurs, s'il plaît à Dieu, et selon la mesure de mes forces. Présentement, il me suffit de rappeler que le souverain bien pour Platon, c'est de vivre selon la vertu, ce qui n'est possible qu'à celui qui connaît Dieu et qui l'imite, et voilà l'unique source du bonheur. Aussi n'hésite-t-il point à dire que philosopher, c'est aimer Dieu, dont la nature est incorporelle, d'où il suit que l'ami de la sagesse, c'est-à-dire le philosophe, ne devient heureux que lorsqu'il commence de jouir de Dieu. En effet, bien que l'on ne soit pas nécessairement heureux pour jouir de ce qu'on aime, car plusieurs sont malheureux d'aimer ce qui ne doit pas être aimé, et plus malheureux encore d'en jouir, personne toutefois n'est heureux que tant qu'il jouit de ce qu'il aime. Ainsi donc, ceux-là même qui aiment ce qui ne doit pas être aimé, ne se croient pas heureux par l'amour, mais par la jouissance. Qui donc serait assez malheureux pour ne pas réputer heureux celui qui aime le souverain bien et jouit de ce qu'il aime? Or, Platon déclare que le vrai et souverain bien, c'est Dieu, et voilà pourquoi il veut que le vrai philosophe soit celui qui aime Dieu, car le philosophe tend à la félicité, et celui qui aime Dieu est heureux en jouissant de Dieu. Voyez, parmi les dialogues de Platon, le Phèdre, le Phédon, le Philebe et la République. Chapitre 9. De la philosophie qui a le plus approché de la vérité chrétienne. Ainsi donc tous les philosophes, quels qu'ils soient, qui ont eu ces sentiments touchant le Dieu suprême et véritable, et qui ont reconnu en lui l'auteur de toutes les choses créées, la lumière de toutes les connaissances et la fin de toutes les actions, c'est-à-dire le principe de la nature, la vérité de la doctrine et la félicité de la vie, ces philosophes qu'on appellera platoniciens ou d'un autre nom, soit qu'on attribue de tels sentiments qu'au chef de l'école ionique, à Platon par exemple et à ceux qui l'ont bien entendu, soit qu'on en fasse également honneur à l'école italique, à cause de Pythagore, des pythagoriciens, et peut-être aussi de quelques autres philosophes de la même famille, soit enfin qu'on veuille les étendre aux sages et aux philosophes des autres nations, libyens atlantiques, égyptiens, indiens, perses, chaldéens, scythes, gaulois, espagnols et à d'autres encore, ces philosophes, dis-je, nous les préférons à tous les autres et nous confessons qu'ils ont approché de plus près de notre croyance. Sur les Libyens atlantiques et sur Atlas, leur roi fabuleux, voyez Diodore, livre 3, chapitre 20. Chapitre 10. La foi d'un bon chrétien est fort au-dessus de toute la science des philosophes. Un chrétien qui s'est uniquement appliqué à la lecture des saints livres, ignore peut-être le nom des platoniciens, il ne sait pas qu'il y a eu parmi les Grecs deux écoles de philosophie, l'ionienne et l'italique, mais il n'est pas tellement sourd au bruit des choses humaines, qu'il n'ait appris que les philosophes font profession d'aimer la sagesse ou même de la posséder. Il se défie pourtant de cette philosophie qui s'enchaîne aux éléments du monde au lieu de s'appuyer sur Dieu, créateur du monde, averti par ce précepte de l'apôtre qu'il écoute d'une oreille fidèle. Prenez garde de vous laisser abuser par la philosophie et par de vains raisonnements sur les éléments du monde. Colossiens 2, 8. Mais, afin de ne pas appliquer ces paroles à tous les philosophes, le chrétien écoute ce que l'apôtre dit de quelques-uns. Ce qui peut être connu de Dieu, ils l'ont connu clairement, Dieu même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde les profondeurs invisibles de son essence sont devenues saisissables et visibles par ses ouvrages, et sa vertu et sa divinité sont éternelles. Romains 1, 19, 20. Et de même, quand l'apôtre parle aux Athéniens, après avoir dit de Dieu cette grande parole qu'il est donné à peu de comprendre, « C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être », il poursuit et ajoute, « Comme l'ont même dit quelques-uns de vos sages, Actes des Apôtres, 17, 28. » Ici encore le chrétien sait se garder des erreurs où ces grands philosophes sont tombés, car, au même endroit où il est écrit que Dieu leur a rendu saisissables et visibles par ses ouvrages ses invisibles profondeurs, il est dit aussi qu'ils n'ont pas rendu à Dieu le culte légitime, parce qu'ils ont transporté à d'autres objets les honneurs qui ne sont dus qu'à lui. Ils ont connu Dieu, dit l'apôtre, et ils ne l'ont pas glorifié et adoré comme Dieu, mais ils se sont perdus dans leurs chimériques pensées, et leur cœur insensé s'est rempli de ténèbres. En se disant sages ils sont devenus fous, et ils ont prostitué la gloire du Dieu incorruptible à l'image de l'homme corruptible, à des figures d'oiseaux, de quadrupèdes et de serpents. Romains 1, 21-23. L'apôtre veut désigner ici les Romains, les Grecs et les Égyptiens, qui se sont fait gloire de leur sagesse, mais nous aurons affaire à eux dans la suite de cet ouvrage. Bornons-nous à dire encore une fois que notre préférence est acquise à ces philosophes qui confessent avec nous un Dieu unique, créateur de l'univers, non seulement incorporel et à ce titre au-dessus de tous les corps, mais incorruptible et comme tel au-dessus de toutes les âmes. En un mot, notre principe, notre lumière et notre bien. Que si un chrétien, étranger aux lettres profanes, ne se sert pas en discutant de termes qu'il n'a point appris, et n'appelle pas naturel avec les latins et physique avec les grecs cette partie de la philosophie qui regarde la nature, rationnelle ou logique celle qui traite de la connaissance de la vérité, morale enfin ou éthique celle où il est question des mœurs, des biens à poursuivre et des maux à éviter, est-ce à dire qu'il ignore que nous tenons du vrai Dieu, unique et parfait, la nature qui nous fait être à son image, la science qui le révèle à nous et nous révèle à nous-mêmes, la grâce enfin qui nous unit à lui pour nous rendre heureux? Voilà donc pourquoi nous préférons les platoniciens au reste des philosophes. C'est que ceux-ci ont vainement consumé leur esprit et leurs efforts pour découvrir les causes des êtres, la règle de la vérité et celle de la vie, au lieu que les platoniciens, ayant connu Dieu, ont trouvé par là même où est la cause de tous les êtres, la lumière où l'on voit la vérité, la source où l'on s'abreuve du bonheur. Platonicien ou philosophe d'une autre nation, s'il en est qui ait eu aussi de Dieu une telle idée, je dis qu'il pense comme nous. Pourquoi maintenant, dans la discussion qui va s'ouvrir, n'ai-je voulu avoir affaire qu'aux disciples de Platon? C'est que leurs écrits sont plus connus. En effet, les Grecs, dont la langue est la première parmi les gentils, ont partout répandu la doctrine platonicienne, et les Latins, frappés de son excellence ou séduits par la renommée, l'ont étudié de préférence à tout autre, et en la traduisant dans notre langue ont encore ajouté à son éclat et à sa popularité. Chapitre 11. Comment Platon a pu autant approcher de la doctrine chrétienne? Parmi ceux qui nous sont unis dans la grâce de Jésus-Christ, quelques-uns s'étonnent d'entendre attribuer à Platon ses idées sur la divinité, qu'ils trouvent singulièrement conformes à la véritable religion. Aussi cette ressemblance a-t-elle fait croire à plus d'un chrétien que Platon, lors de son voyage en Égypte, avait entendu le prophète Jérémie ou lu les livres des prophètes. Note. Les auteurs dont veut parler saint Augustin sont surtout Justin, Origène, Clément d'Alexandrie, Eusèbe, saint Ambroise. Ses pères croient que Platon a connu l'écriture sainte. L'opinion contraire a été soutenue par Lactance. Fin de la note. J'ai moi-même admis cette opinion dans quelques-uns de mes ouvrages, mais une étude approfondie de la chronologie démontre que la naissance de Platon est postérieure d'environ 100 ans à l'époque où prophétisa Jérémie, et Platon ayant vécu 81 ans, entre le moment de sa mort et celui de la traduction des Écritures demandée par Ptolémée, roi d'Égypte, à 70 juifs versés dans la langue grecque. Il s'est écoulé environ 60 années. Platon, par conséquent, n'a pu, pendant son voyage, ni voir Jérémie, mort depuis si longtemps, ni lire en cette langue grecque, où il excellait, une version des Écritures qui n'était pas encore faite, à moins que, poussé par sa passion de savoir, il n'ait connu les livres hébreux comme il avait fait les livres égyptiens, à l'aide d'un interprète, non sans doute en se les faisant traduire, ce qui n'appartient qu'à un roi puissant comme Ptolémée par les bienfaits et par la crainte, mais en mettant à profit la conversation de quelques juifs pour comprendre autant que possible la doctrine contenue dans l'Ancien Testament. Ce qui favorise cette conjecture, c'est le début de la Genèse. Au commencement Dieu fit le ciel et la terre. Et la terre était une masse confuse et informe, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et, l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or, Platon, dans le Timée, où il décrit la formation du monde, dit que Dieu a commencé son ouvrage en unissant la terre avec le feu, et comme il est manifeste que le feu tient ici la place du ciel. Cette opinion a quelque analogie avec la parole de l'Écriture. Au commencement Dieu fit le ciel et la terre. Platon ajoute que l'eau et l'air furent les deux moyens de jonction qui servirent à unir les deux extrêmes, la terre et le feu. On a vu là une interprétation de ce passage de l'Écriture. Et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Note. Platon dit à la vérité, dans un endroit du Timée, que Dieu commença par composer le corps de l'univers de feu et de terre, mais, à prendre l'ensemble du dialogue, il est indubitable que la première œuvre de Dieu, ce n'est pas le corps, mais l'âme, ce qui achève de détruire la faible analogie indiquée par saint Augustin. Le Timée est cependant celui des dialogues de Platon que saint Augustin paraît connaître le mieux. L'avait-il sous les yeux en écrivant la cité de Dieu? Il est permis d'en douter. Fin de la note. Platon ne prenant pas garde au sens du mot esprit de Dieu dans l'écriture, où l'air est souvent appelé esprit, semble avoir cru qu'il est question dans ce passage des quatre éléments. Quant à cette doctrine de Platon, que le philosophe est celui qui aime Dieu, les saintes écritures ne respirent pas autre chose. Mais ce qui me fait surtout pencher de ce côté, ce qui me déciderait presque à affirmer que Platon n'a pas été étranger au livre saint, c'est la réponse faite à Moïse, quand il demande à l'ange le nom de celui qui lui ordonne de délivrer le peuple hébreu captif en Égypte. « Je suis celui qui suis, dit la Bible, et vous direz aux enfants d'Israël, Celui qui m'a envoyé vers vous. Exode 3:14. Par où il faut entendre que les choses créées et changeantes sont comme si elles n'étaient pas, au prix de celui qui est véritablement, parce qu'il est immuable. Or, voilà ce que Platon a soutenu avec force, et ce qu'il s'est attaché soigneusement à inculquer à ses disciples. Je ne sais si on trouverait cette pensée dans aucun monument antérieur à Platon, excepté le livre où il est écrit « Je suis celui qui suis », et vous leur direz « Celui qui m'envoie vers vous ». Chapitre 12. Les platoniciens, tout en ayant une juste idée du Dieu unique et véritable, n'en ont pas moins jugé nécessaire le culte de plusieurs divinités. Mais ne déterminons pas de quelle façon Platon a connu ces vérités, soit qu'il les ait puisées dans les livres de ceux qui l'ont précédé, soit que, comme dit l'apôtre, les sages aient connu avec évidence ce qui peut être connu de Dieu, Dieu lui-même le leur ayant rendu manifeste. Car depuis la création du monde les perfections invisibles de Dieu, sa vertu et sa divinité éternelle, sont devenues saisissables et visibles par ses ouvrages. Quoi qu'il en soit, je crois avoir assez prouvé que je n'ai pas choisi sans raison les platoniciens, pour débattre avec eux cette question de théologie naturelle. S'il faut servir un seul Dieu ou en servir plusieurs pour la félicité de l'autre vie. Je les ai choisis en effet, parce que l'excellence de leur doctrine sur un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, leur a donné parmi les philosophes le rang le plus illustre et le plus glorieux. Or, cette supériorité a été depuis si bien reconnue que vainement Aristote, disciple de Platon, homme d'un esprit éminent, inférieur sans doute à Platon par l'éloquence, mais de beaucoup supérieur à tant d'autres, fonda la secte péripatéticienne, ainsi nommée de l'habitude qu'avait Aristote d'enseigner en se promenant. Vainement il attira, du vivant même de son maître, vers cette école dissidente un grand nombre de disciples séduits par l'éclat de sa renommée. Vainement aussi, après la mort de Platon, Spesippe, son neveu, Xénocrate, son disciple bien-aimé, le remplacèrent à l'académie et eurent eux-mêmes des successeurs qui prirent le nom d'académiciens. Tout cela n'a pas empêché les meilleurs philosophes de notre temps qui ont voulu suivre Platon, de se faire appeler non pas péripatéticiens ni académiciens, mais platoniciens. Les plus célèbres entre les Grecs sont Plotin, Jamblique et Porphyre, joignés à ces platoniciens, illustre l'Africain Apulée, également versé dans les deux langues, la grecque et la latine. Or, maintenant il est de fait que tous ces philosophes et les autres de la même école, et Platon lui-même, ont cru qu'il fallait adorer plusieurs dieux. Note. Apulée, né à Madaure, dans la Numidie, alors province romaine, florissait au second siècle de l'ère chrétienne. Ses ouvrages étant écrits en latin, saint Augustin, qui savait mal le grec, s'est souvent adressé à Apulée pour connaître les doctrines de Platon. Chapitre 13. De l'opinion de Platon touchant les dieux, qu'il définit des êtres essentiellement bons et amis de la vertu. Bien qu'il y ait entre les platoniciens et nous plusieurs autres dissentiments de grande conséquence, la discussion que j'ai soulevée n'est pas médiocrement grave, et c'est pourquoi je leur pose cette question. Quel dieu faut-il adorer, les bons ou les méchants, ou les uns et les autres? Nous avons sur ce point le sentiment de Platon, car il dit que tous les dieux sont bons et qu'il n'y a pas de dieu méchant, d'où il suit que c'est au bon qu'il faut rendre hommage, puisque, s'il n'était pas bon, il ne serait pas dieu. Mais s'il en est ainsi, et comment penser autrement des dieux? Que devient cette opinion qu'il faut apaiser les dieux méchants par des sacrifices, de peur qu'ils ne nous nuisent, et invoquer les bons afin qu'ils nous aident? En effet, il n'y a pas de dieux méchants, et c'est aux bons seulement que doit être rendu le culte qu'ils appellent légitime. Je demande alors ce qu'il faut penser de ces dieux qui aiment les jeux scéniques au point de vouloir qu'on les mêle aux choses divines et aux cérémonies célébrées en leur honneur. La puissance de ces dieux prouve leur existence, et leur goût pour les jeux impurs atteste leur méchanceté. On sait assez ce que pense Platon des représentations théâtrales, puisqu'il chasse les poètes de l'État, pour avoir composé des fictions indignes de la majesté et de la bonté divine. Que faut-il donc penser de ces dieux qui sont ici en lutte avec Platon, lui ne souffrant pas que les dieux soient déshonorés par des crimes imaginaires, ceux-ci ordonnant de représenter ces crimes en leur honneur? Enfin, quand ils prescrivirent des jeux scéniques, ils firent éclater leur malice en même temps que leur impureté, soit en privant Latinius de son fils, soit en le frappant lui-même pour leur avoir désobéi, et ne lui rendant la santé qu'après qu'il eut exécuté leur commandement. Et cependant, si méchants qu'ils soient, Platon n'estime pas qu'on doive les craindre, et il demeure ferme dans son sentiment, qu'il faut bannir d'un état bien réglé toutes ces folies sacrilèges des prêtres, qui n'ont de charme pour les dieux impurs que par leur impureté même. Or, ce même Platon, comme je l'ai remarqué au second livre du présent ouvrage, au chapitre 14, est mis par l'Abéon au nombre des demi-dieux. Ce qui n'empêche pas l'Abéon de penser qu'il faut apaiser les dieux méchants par des sacrifices sanglants et des cérémonies analogues à leur caractère, et honorer les bons par des jeux et des solennités riantes. D'où vient donc que le demi-dieu Platon persiste si fortement à priver, non pas des demi-dieux, mais des dieux bons par conséquent, de ces divertissements qu'il répute infâmes? Au surplus, ces dieux ont eux-mêmes pris soin de réfuter l'Abéon, puisqu'ils ont montré à l'égard de Latinius, non seulement leur humeur lascive et folâtre, mais leur impitoyable cruauté. Que les platoniciens nous expliquent cela, eux qui soutiennent avec leur maître que tous les dieux sont bons, chastes, amis de la vertu et des hommes sages, et qu'il y a de l'impiété à en juger autrement. Nous l'expliquons, disent-ils. Écoutons-les donc avec attention. Chapitre 14. Des trois espèces d'âmes raisonnables admises par les platoniciens, celle des dieux dans le ciel, celle des démons dans l'air et celle des hommes sur la terre. Il y a suivant eux trois espèces d'animaux doués d'une âme raisonnable, savoir les dieux, les hommes et les démons. Les dieux occupent la région vont la plus élevée, les hommes la plus basse, les démons la moyenne, car la région des dieux, c'est le ciel, celle des hommes la terre, celle des démons l'air. À cette différence dans la dignité de leur séjour répond la diversité de leur nature. Les dieux sont plus excellents que les hommes et que les démons. Les hommes le sont moins que les démons et que les dieux. Ainsi donc, les démons étant au milieu, de même qu'il faut les estimer moins que les dieux, puisqu'ils habitent plus bas, il faut les estimer plus que les hommes, puisqu'ils habitent plus haut. Et en effet, s'ils partagent avec les dieux le privilège d'avoir un corps immortel, ils ont, comme les hommes, une âme sujette aux passions. Pourquoi donc s'étonner, disent les platoniciens, que les démons se plaisent aux obscénités du théâtre et aux fictions des poètes, puisqu'ils ont des passions comme les hommes, au lieu d'en être exempts par leur nature comme les dieux? D'où on peut conclure qu'en réprouvant et en interdisant les fictions des poètes, ce n'est point aux dieux, qui sont d'une nature excellente, que Platon a voulu ôter le plaisir des spectacles, mais aux démons. Voilà ce qu'on trouve dans Apulée de Madhoro, qui a composé sur ce sujet un livre intitulé « Du dieu de Socrate ». Il y discute et y explique à quel ordre de divinité appartenait cet esprit familier, cet ami bienveillant qui avertissait Socrate, dit-on, de se désister de toutes les actions qui ne devaient pas tourner à son avantage. Après avoir examiné avec soin l'opinion de Platon touchant les âmes sublimes des dieux, les âmes inférieures des hommes et les âmes mitoyennes des démons, il déclare nettement et prouve fort au long que cet esprit familier n'était point un dieu, mais un démon. Or, s'il en est ainsi, comment Platon a-t-il été assez hardi pour ôter, sinon au dieu, pur de toute humaine contagion, du moins au démon, le plaisir des spectacles en bannissant les poètes de l'État? N'est-il pas clair qu'il a voulu par là enseigner aux hommes, tout engagés qu'ils sont dans les misères d'un corps mortel, à mépriser les commandements honteux des démons et à fuir ses impuretés pour se tourner vers la lumière sans tache de la vertu? Point de milieu, où Platon s'est montré honnête en réprimant et en proscrivant les jeux du théâtre, où les démons, en les demandant et les prescrivant, se sont montrés corrompus. Il faut donc dire qu'Apulée se trompe et que Socrate n'a pas eu un démon pour ami, ou bien que Platon se contredit en traitant les démons avec respect, après avoir banni leur jeu favori de tout état bien réglé, ou bien enfin qu'il n'y a pas à féliciter Socrate de l'amitié de son démon. Et en effet, Apulée lui-même en a été si honteux qu'il a intitulé son livre « Du dieu de Socrate ». Tandis que pour rester fidèle à sa distinction si soigneusement et si longuement établie entre les dieux et les démons, il aurait dû l'intituler, non du dieu, mais du démon de Socrate. Il a mieux aimé placer cette distinction dans le corps de l'ouvrage que sur le titre. C'est ainsi que, depuis le moment où la scène doctrinale brillait parmi les hommes, le nom des démons est devenu presque universellement odieux, au point même qu'avant d'avoir lu le plaidoyer d'Apulée en faveur des démons, quiconque aurait rencontré un titre comme celui-ci, du démon de Socrate, n'aurait pu croire que l'auteur fût dans son bon sens. Aussi bien, qu'est-ce qu'Apulée a trouvé à louer dans les démons ? Si ce n'est la subtilité et la vigueur de leur corps et la hauteur de leur séjour? Quand il vient à parler de leurs mœurs en général, loin d'en dire du bien, il en dit beaucoup de mal. De sorte qu'après avoir lu son livre, on ne s'étonne plus que les démons aient voulu placer les turpitudes du théâtre parmi les choses divines, qu'ils prennent plaisir au spectacle des crimes des dieux, voulant eux-mêmes passer pour des dieux, enfin que les obscénités dont on amuse le public et les atrocités dont on l'épouvante, soient en parfaite harmonie avec leur passion. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.